France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Où étiez-vous hier à 13h30? Hier, il ne fallait pas rater le premier épisode de l'affaire du conseiller Prince. Nous sommes dans les années 30 et Romain Weber et Yvon Croisier nous ont raconté le contexte historique d'une Troisième République tourmentée. L'affaire Stavisky fait la une affaire qui a secoué violemment et touché des personnalités les plus haut placées. Le 21 février 1934, le conseiller Albert Prince, très au fait de l'affaire, doit apporter des preuves de la protection dont bénéficiait Stavisky. Mais la veille, Albert Prince doit se rendre de toute urgence à Dijon. Un appel lui a appris que sa mère est malade. Cet appel n'était en fait qu'un affreux prétexte. Il sera retrouvé écrasé par un train dans la soirée. Aujourd'hui, nous retournons sur les lieux du crime, entre Dijon et Plombières. Nous menons l'enquête jusqu'à l'épilogue, car enfin, qui a tué le conseiller Prince ? 21 février 1934. L'enquête ouverte à la suite de la découverte du cadavre de M. Prince est dirigée par M. Rabu, juge d'instruction à Dijon. Souhaitons que grâce à la sagacité du parquet et au zèle de notre police, la lumière soit très rapidement faite sur cette triste et ténébreuse affaire. Nous sommes sur ce que les cheminots appellent la ligne impériale, la première ligne de chemin de fer importante en France. Cette ligne qui relie en particulier Paris à Dijon passe par un lieu-dit au nom charmant, la Combe aux Fées. Et c'est là que le 20 février 1934, on va découvrir un cadavre d'un homme qui est attaché à la voie. C'est le conseiller Prince. Bon, retrouver un magistrat mort sur une voie de chemin de fer, c'est déjà en soi un fait plus que troublant, mais dans le contexte de l'affaire Stavisky et des émeutes du 6 février 34, c'est à l'évidence une affaire d'État qui s'enclenche une de plus. Mais qui a tué le conseiller Prince, Romain Weber, Yvon Croisier? À Périgny-lès-Dijon, il est à peu près 21h en fait. Jean-François Mignac, écrivain. Un mécanicien et un chauffeur donc descendent de leur machine, de leur locomotive. C'est donc un train de messagerie, le train 4805 de mémoire. Et stupeur, le mécanicien découvre à l'avant les traces de la tragédie, à savoir sur la roue droite des débris humains, et puis sur une autre roue en fait un cache-col enroulé. Donc tout de suite il comprend avoir percuté un corps, et donc il chemine comme ça avec une lanterne le long des voies, alors là pendant des heures, et donc c'est un petit peu plus tard, donc 3 heures après, vers minuit, qu'ils font la découverte du lieu de la tragédie. Donc à savoir il tombe sur la tête de Prince, et sur une cinquantaine de mètres, sur cette voie, trouve disséminés des débris humains, des flaques de sang, et puis des effets personnels. Alors les effets personnels, ça va être un chapeau mou, ça va être un pardessus, ça va être une montre en acier, etc. Quoi, en fait. Bruno Fulini, sur la photo en bas à droite, on voit une espèce de masse informe, il y a un inspecteur qui se penche dessus, qu'est-ce que c'est ? Une légende a été rédigée en marge, cadavre déposé sur le bord de la voie, l'inspecteur tient le bout de ficelle qui entoure la cheville droite du cadavre. Tout simplement. Et donc on voit effectivement un inspecteur agenouillé qui, du bout des doigts, un peu dégoûté, eh bien tire sur cette ficelle pour la mettre en évidence et pour que le photographe puisse la fixer en quelque sorte. on découvre une serviette, en fait, qui est vide. Alors, il faut savoir que le conseiller prince était parti la veille, hein, par le train de 12h32 pour Dijon, en emmenant avec lui le dossier sur lequel il travaillait, donc le dossier de l'affaire Stavisky, tout au moins la majeure partie des éléments, puisqu'il avait téléphoné à sa femme, en fait, en gare de Lyon, pour lui dire qu'il avait oublié quelques éléments. Et donc, les éléments qui étaient supposé être dans sa serviette avait disparu, et il y avait simplement deux courriers de janvier qui lui étaient adressés, et donc par ce biais on connaît son identité, et par un autre biais qui est tout simplement une carte de visite, hein, qui est retrouvée sur place. Dijon Gare, 21 février, 10h55, cadavre décapité, trouvé hier 23h45 au kilomètre 311-800, ligne Paris-Marseille, près Dijon, dans Axe Voie 1, paraissant être corps de Abel, Prince, 6 rue Babylone, Paris, crime présumé. Abel Prince, évidemment, c'est une faute, hein, c'est Albert Prince. Pierre Cornu-Gentille, quand on va aux archives nationales, pour consulter le dossier de l'affaire Prince, on ouvre plusieurs cartons qui sont remplis de milliers et de milliers de coupures de presse. Elle a effectivement passionné les journalistes pour des raisons qui sont assez faciles à comprendre. La France est en crise, hein, on est en 1934, c'est-à-dire que la France subit encore de plein fouet la crise de 1929. Il y a une grande instabilité ministérielle, il y a des soupçons de corruption, il y a l'affaire Stavisky qui vient d'éclater, il y a une extrême droite extrêmement virulente, il y a un parti dominant qui est le Parti Radical Socialiste, considéré comme le parti un peu de la franc-maçonnerie en France, et on apprend que un magistrat qui avait enquêté sur le dossier Stavisky aurait lui-même été assassiné pour ne pas faire des révélations. Alors c'est une aubaine formidable pour la presse. Le Quotidien, 23 février 1934. Pourquoi a-t-on tué M. Prince ? Qui a tué M. Prince ? Il faut savoir la vérité. L'opinion publique est agitée de soupçons. On ne peut pas lui dire qu'il s'agit d'un nouveau suicide. Sa défiance sera accrue si les coupables ne sont pas retrouvés. Alors Jean-Marc Berlière, on est sorti de la gare, on a suivi un peu le chemin qu'a pris Albert Prince pour se diriger vers l'hôtel Moreau. Vous voyez, hein, il a fait aller 100 mètres hein, depuis la gare, il a sa petite valise dans laquelle il n'a pas mis grand-chose, sa petite serviette, et il entre dans cet hôtel donc, qui se présentait un petit peu différemment, il n'y avait pas un fast-food en bas à l'époque bien sûr. Il est donc à peu près 17h, hein, son télégramme date de 16h50. Il n'y avait pas de tramway à l'époque hein, qui passait devant l'hôtel. Donc il demande s'il peut laisser sa valise, ce qu'accepte bien volontiers le réceptionniste qui veut lui faire visiter sa chambre. Il dit non, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous. Il ressort de l'hôtel et plus personne ne le retrouvera vivant. Et on sait que le train lui est passé dessus vers 20h42. Donc on a dans son emploi du temps un trou de 3h42 environ, s'il est sorti de l'hôtel Moreau à 17h. Absolument, pendant lequel personne ne l'a vu. On aura des milliers d'affabulateurs qui vont dire qu'ils ont vu un homme se débattre dans une voiture. Non, en fait, on a tout vérifié. Il y a des centaines et des centaines, peut-être plus de 1000 hein, vérifications entre les affabulateurs, les gens qui croient avoir vu, qui croient avoir entendu, etc. Personne ne l'a vu. On n'a que quelques témoignages. Jean-François Mignac. Et un témoignage intéressant d'une ménagère, en fait, qui aurait vu Prince dans une voiture. Et elle aurait vu le visage de Prince, qui aurait dit « à moi ». Et elle aurait entendu une voix d'une autre personne qui aurait dit « non, ça va, mon vieux ». Voilà. Pour moi, J'en suis resté à l'idée qu'on avait affaire à un assassinat sur un fond politique. Alors, les premiers persuadés, en fait, de la thèse de l'assassinat, c'est son épouse. Hein. Dès qu'elle apprend qu'il y a eu un souci à Dijon, elle s'exclame, oui, c'est un guet-apens, en fait. Hein. Dès la mort du conseiller prince connu, ça a déchaîné les passions et l'imagination. C'est-à-dire que des camps se créent entre ceux qui pensent à un assassinat et ceux très, très minoritaires, et en plus qui osent à peine le dire, qui pensent plutôt à un suicide. Jean Prouveau, industriel du Nord, qui a créé le journal Paris Soir, qui deviendra France Soir après, Jean Prouveau veut vendre du papier le plus possible, et d'ailleurs quand devant lui un jour un collaborateur évoque l'hypothèse du suicide, il refuse lui de l'envisager, il dit « non, ne dites surtout pas ça, parce que nous ne vendrons plus nos journaux, c'est un assassinat qu'il me faut ». Et il va très loin, parce que comme il faut alimenter les lecteurs, la curiosité des lecteurs, eh bien Jean Prouveau dit « moi c'est bien simple, je vais embaucher les meilleurs enquêteurs, et c'est Paris Soir qui va faire l'enquête ». Et il fait appel à trois anciens de Scotland Yard, partant du principe que les inspecteurs de police anglais sont les meilleurs du monde, et puis comme ça ne suffit pas, il dit « mais finalement en France, quel est le meilleur policier ? C'est Maigret ». Donc il décide de confier également l'enquête à Georges Simenon, et puis il se passe quelque chose de très fâcheux pour Jean Prouveau, c'est que un beau jour, les trois Anglais reviennent et disent à Jean Prouveau, bah, écoutez, nous, finalement, on a bien regardé tout ce qu'il en est et on est convaincu que c'est un suicide. Malheur, leur dit Prouveau, mais surtout ne le dites pas parce que c'est fini, je ne pourrais plus continuer le feuilleton. Combien voulez-vous pour me dire que c'est un assassinat ? Les Anglais refusent de mentir pour de l'argent. Heureusement, Simenon est là et Simenon, lui, se rend dans tous les bars louches de la capitale. Il finit par tomber sur des gens du milieu parisien et notamment le baron de Lussat, ce qu'on appelle le baron, qui, constatant la naïveté de Simenon, lui fait des confidences. Et Simenon abonde, Simenon donne des noms dans la presse, et on finit par arrêter deux gangsters, Lussat lui-même d'ailleurs, et deux gangsters marseillais, Carbone et Spirito. Le garde des Sceaux, qui est un personnage quand même extrêmement peu fiable, alors lui, sa grande trouvaille, c'est d'y envoyer l'inspecteur Bonny. Alors Bonny, c'est pas n'importe qui. Chéron le présente à la presse comme le premier policier de France. Hein. Or, Bonny traîne déjà avec lui un certain nombre de casseroles. Il inspire tellement confiance à l'administration qu'il est révoqué. Et donc, c'est un policier révoqué qui vient enquêter. Déjà que les pistes étaient compliquées avec les journalistes, avec les détectives amateurs type Simenon, avec tous les flics à la retraite qui viennent, tout. Puis alors en plus Bonny qui vient là au milieu inventer n'importe quoi. Ce qui fait que les malheureux enquêteurs, les vrais je veux dire, sont au supplice hein, bien sûr. Alors Pierre Bonny, vaste programme Pierre Bonny. Alors Pierre Bonny c'est effectivement un policier aux méthodes douteuses et quelque part il l'amène tambour battant cette enquête. Et tout ceci se termine par un non-lieu, et les deux caïds sont donc élargis, rentrent à Marseille, sont accueillis par des milliers de personnes, je crois 2000 personnes, et descendent la Canebière en limousine blanche, quoi. Ouais, c'est le retour des fils prodiges, quoi. Voilà. On peut se poser la question en fait du rôle de Bonny dans l'affaire. Dans les faits, pendant un mois, on a à l'heure que sont les trois caïds. Voilà. Est-ce que c'est pour gagner du temps ? Est-ce que mystère ? Toujours est-il que on a donné à l'opinion publique et à l'extrême droite hein, qui veille, on a donné du gibier. L'Action française, 27 février 1934. La mafia, nous la connaissons par expérience, hélas. C'est une aile marchande de la maçonnerie, comprenant quelques 400 fonctionnaires de la Sûreté Générale et de la police judiciaire, commissaires, inspecteurs, indicateurs, repris et remis de justice, etc. Ce sont des inspecteurs de la Sûreté Générale qui ont donné des indications pour attirer à Dijon Albert Prince, l'embarquer et l'assassiner. Eux-mêmes sont contrôlés par Chautan et Pressard. Il est inconcevable d'ailleurs que ce scélérat de Pressard ne soit pas encore arrêté. Une fois qu'il sera sous les verrous, le beau-frère Camille Chautan ne tardera pas à le suivre. Puis, en avant pour la Guyane, Léon Daudet. comme le conseiller Prince est Jean-Marc Berlière mêlé à l'affaire Stavisky, évidemment, vous imaginez comment les choses vont embrayer. Il devait le lendemain se présenter devant le procureur général Lescouvé pour se justifier d'une grave erreur qu'il avait faite en 1930. Il avait mésestimé un rapport de deux inspecteurs de police qui montrait que Sacha Alexandre n'était autre que Alexandre Sacha Stavisky, que c'était un escroc, et comme il avait pas étouffé mais négligé cette affaire, il est sur la sellette depuis plusieurs semaines. Et il est allé voir le procureur général, Lescouvé, et il lui a dit « je vais vous montrer des documents » qui seraient notamment une lettre du procureur Pressard, qui est son chef. Vous voyez comment ça fonctionne, hein, l'esprit de l'escalier et le complotisme, qui se trouve être le beau-frère du président du conseil, qui lui-même est un grade, un dignitaire, allez, on va le dire comme ça, un dignitaire élevé de la franc-maçonnerie. Alors, tout de suite, tout embraye, hein, puisqu'on est dans la théorie du complot. On compare sans cesse la franc-maçonnerie à une sorte de mafia, hein, qui s'est emparée de l'État. Eh bien, cette mafia, sur le point d'être identifiée, a commandité la mort du conseiller Prince, qui possédait des preuves contre lui. Pierre Cornu-Gentil, sur le corps d'Albert Prince, on a fait des autopsies, on a prélevé du sang, des tissus. Qu'est-ce que ces expertises médicales ont réussi à prouver ? Il y a une première expertise qui a été confiée à des médecins experts de Dijon qui, honnêtement, ont déclaré qu'ils étaient incapables de dire si oui ou non la mort d'Abel Prince était le résultat d'un assassinat ou d'un suicide. Puis le juge d'instruction a désigné 7 sommités parisiennes, des grands experts, spécialistes, de très haut niveau, et ils ont conclu péremptoirement au fait qu'Albert Prince avait bien été assassiné et qu'il avait été anesthésié 2 heures avant sa mort, traîné sur le ballast, couché en travers des rails, et que finalement le train qui était passé lui avait tranché la tête. Mais un inspecteur, qui est inspecteur Guillaume, émet l'hypothèse qu'il serait utile d'entendre des spécialistes, des ingénieurs spécialistes ferroviaires. Et donc, une expertise ferroviaire est ordonnée par le magistrat instructeur. Et les conclusions de l'expertise ferroviaire s'opposent absolument à celles des médecins experts. Les experts ferroviaires démontrent que, très probablement, Albert Prince a été non pas couché sur la voie, mais qu'il était assis, le dos à la locomotive en quelque sorte, et que il a eu la tête tranchée de cette manière-là, et que par conséquent l'hypothèse qu'il aurait été anesthésié et ficelé sur la voie n'est pas vraisemblable. Il y a dès le départ des gens qui sont frappés par les incohérences dans toute cette affaire et qui commencent à penser que c'est pas un crime. C'est pas un crime, c'est un suicide dissimulé, maquillé, camouflé en crime, parce que Prince est dans une situation, est aux abois, il est sans doute nerveusement épuisé, il veut mettre fin à ses jours, mais il veut mettre fin à ses jours avec suffisamment de doute, si vous voulez, pour qu'on ne pense pas que c'est un suicide, que c'est un crime et qu'il a été liquidé parce qu'il en savait trop. Prince, donc, aurait été tué, hein, c'est le rapport de la commission d'enquête, couché sur les voies, attaché. Alors, outre la difficulté, j'attire votre attention là-dessus, à faire passer une ficelle sous un rail pour attacher quelqu'un au rail, avec en plus aucune trace de pression sur... Prince ne se serait donc pas débattu. Hein. Il est couché sur la voie, il est décapité par les roues. Parfait. Alors, comment expliquer que la tête se trouve entre les voies? Et s'il est décapité, la tête, elle gicle, si vous voulez, excusez-moi, hein. Pour les auditeurs, mais elle gicle à plusieurs mètres ou plusieurs dizaines de mètres sur les côtés. La tête est entre les voies. Et quand enfin on va faire parler des experts ferroviaires, hein, je vais les appeler comme ça, et que les cheminots racontent ce qu'il y avait, où ils ont trouvé des matières cervicales, où ils ont trouvé du sang, il devient évident que la tête de Prince, il a été décapité, oblige à penser qu'au lieu d'être couché sur la voie, d'ailleurs, entre parenthèses, il mesure 1m78, si sa tête est coupée, les pieds auraient dû l'être aussi de l'autre côté. Hein, elle a rien. On s'est jamais posé la question. S'il a été décapité par le... Je sais pas comment techniquement ça s'appelle. Hein, si vous voulez, la boule d'accroche de la locomotive, elle est à 80 cm du sol. Ça veut dire qu'il était ou à genoux ou assis. Et manifestement de dos. Le problème... On avait un crime politique extraordinaire. Puis d'un seul coup, on se retrouve devant un banal suicide. Vous imaginez la déception de l'opinion, la déception des journalistes et tout? Pierre Cornu-Gentille. Guillaume est le premier qui décide d'enquêter sur la vie privée de Prince, ce que personne n'avait osé faire jusque-là, puisque c'était une espèce d'icône intouchable, un homme exemplaire, un martyr. À vrai dire, Guillaume n'a rien démontré, n'a rien prouvé. Mais il a montré que les choses n'étaient peut-être pas aussi claires qu'on l'imaginait. D'abord, la publication des photos d'Albert Prince dans la presse a provoqué un certain émoi dans plusieurs maisons closes à Paris. Et des pensionnaires de ces maisons pauvres ont formellement déclaré le reconnaître comme un des clients habituels. Ensuite, une personne qui s'appelait Madame Nolin, qui était une amie de la famille Prince, qui était la femme d'un avocat, a révélé qu'elle avait eu avec Prince une liaison platonique, dit-elle, mais elle en a profité pour dire qu'elle savait qu'il courait secrètement les boîtes louches, qu'il avait eu des liaisons avec d'autres femmes dans ces conditions-là, tout à fait cachées, tout à fait dissimulées, et que dans les derniers jours avant son décès, elle l'avait senti inquiet et déprimé, et même très malheureux. Ces témoignages ne prouvent absolument rien, mais dans l'esprit de Guillaume est persuadé que Prince s'est suicidé. Combien de temps dure l'enquête ? L'instruction a duré 3 ans. C'est en janvier 37 que le juge d'instruction de Dijon va rendre une ordonnance de non-lieu au motif qu'on n'a pas trouvé les assassins. Mais au dernier jour de l'enquête, est-ce qu'on en sait quand même un petit peu plus qu'au premier ? En réalité, non. Jean-François Mignac, certains pensent qu'Albert Prince a tout organisé lui-même pour se suicider. Ah oui, alors effectivement, c'est une thèse très, très surprenante, en fait, hein, qui rajoute de l'extraordinaire à l'extraordinaire. Ça paraît, comme dirait un ancien président, abracadabrantesque, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour revenir à la thèse de l'assassinat, il y a quand même... des éléments. Il s'avère que l'analyse des poumons et surtout des reins détermine que Prince, en fait, a inhalé une substance, probablement de l'éther, donc pratiquement, c'est quelqu'un qui, à 20h40, était endormi depuis au moins 2 heures. Donc nécessairement, il y a des individus qui amènent son corps sur la voie. Preuve annexe, c'est l'état des chaussures, par exemple, et les chaussures ont été arrachées alors qu'il était traîné vers la voie. Et on découvre aussi, alors curieusement, un couteau qui est fiché, qui a une particularité, c'est que son manche est clair, en fait, hein, et c'est de la corne très claire. Et sur cette lame, il y a des taches de sang. Alors, on sait que cette lame n'a pas servi à la commission de l'assassinat, en tout cas, telle est ma supposition. Et ces taches de sang sont des taches de sang en cours de coagulation. Et on estime que c'est entre 3 à 12 minutes après la commission criminelle. C'est-à-dire que le couteau, lame noire avec un manche blanc, en fait, aurait signifié dans le langage franc-maçon silence absolu aux frères. Quoi. Pour résumer, c'était un signe de se taire. C'est une hypothèse. Et pour vous, Pierre Cornu-Gentille, C'est un suicide ou un assassinat ? Alors, pour moi, c'est un suicide, mais je m'appuie pour l'affirmer sur une consultation que j'ai faite et dont je rends compte dans mon livre. J'ai eu l'idée en 2009 de consulter Madame le professeur Dominique Lecomte, qui était directrice de l'Institut médico-légal, qui était sans doute à l'époque, et qui est encore, d'ailleurs, je pense, une des spécialistes les plus expérimentées en matière d'autopsie. Et elle a conclut dans les termes suivants. Premièrement, au moment du choc, dit-elle, Albert Prince n'était pas, comme l'avaient décrit les médecins légistes, couché sur la voie, la tête placée sur les rails et décapité par une roue, mais il était, comme l'ont dit les experts ferroviaires, assis sur le ballast, les pieds en direction de Dijon, c'est-à-dire le dos à la locomotive, et cela résulte pour elle de fractures qui ont été constatées aux omoplates, à la colonne vertébrale, et de fractures du bassin. Elle dit aussi que les lésions qui ont été décrites dans les poumons, dans les reins et le foie, et qui laissaient penser qu'il avait été anesthésié, ne sont pas compatibles avec l'hypothèse d'une substance toxique, c'est-à-dire d'une anesthésie très forte, qui lui aurait été imposé. Et enfin, il restait une question qui était celle de l'accumulation de graisse dans les poumons, qui conduisait les médecins experts de l'époque à dire que c'était le résultat, là aussi, d'une intoxication. Et elle dit qu'en réalité, c'est un phénomène qui est connu depuis longtemps, qui n'est en aucun cas la conséquence d'une asphyxie lente, mais c'est la conséquence d'un début de putréfaction qui est fréquent après l'exhumation d'un corps qui avait subi de multiples fractures des côtes et qui était resté effectivement en survie, même par un grand froid, pendant plusieurs semaines. Voilà, donc à partir de là, effectivement, même si elle ne conclut pas au suicide, on est obligé de constater que, puisqu'il n'a pas été anesthésié, puisqu'il était assis sur la voie, il a maquillé son suicide en assassinat dans les conditions qu'on l'a dites, c'est-à-dire en feignant d'avoir été ligoté sur la voie. Alors, ce qui va relancer la thèse des complotistes et de l'assassinat, évidemment, ce sont les pseudo-aveux du commissaire Bonny, qui, pendant la guerre, comme vous ne l'ignorez pas, va passer au service de ce qu'on appelle improprement la Gestapo de la rue Lauriston. Il a été jugé hein, avec ses complices. Ils sont condamnés à mort, ils sont exécutés très vite. Bref, et Bonny, il aurait confié, peu de temps avant son exécution, que c'était lui l'assassin. Pierre Bonny à son fils Jacques, octobre 1944. Ce que je vais te confier, je te laisse entièrement juge de le taire ou de le révéler plus tard, selon que tu l'estimeras bon et nécessaire. Je n'ai pas à te rappeler la mort du conseiller Prince. Mais ce que je peux t'apprendre, c'est qu'il ne s'est pas suicidé. Non, il a été exécuté. Et c'est moi qui ai, sur demande d'en haut, pris les dispositions nécessaires à cette fin. Bon, extrêmement difficile de ne pas voir dans cette intervention de Bonny la volonté d'essayer de gagner du temps, hein, bien sûr, sur son exécution, d'obtenir un report. Mais ça tient pas debout dans la mesure où pourquoi n'en aurait-il pas parlé à son procès lui-même, hein. Enfin, Prince devait être quand même quelqu'un d'assez compliqué, hein, je pense, comme personnage. En tout cas, s'il a vraiment déguisé un suicide en crime... Effectivement, c'est très compliqué, mais peut-être qu'il lisait des bandes dessinées. On sait qu'il était très amateur, je plaisante pas, hein, de cinéma. Il y a des intrigues policières qui nous paraissent complètement insensées. On se dit, ils en ajoutent tellement, si vous voulez, dans l'imaginaire et dans le que pourquoi Prince n'aurait-il pas été de ce bois ? Enfin, je veux dire que la mort qu'il a choisi de se donner, elle est terrible. Faut quand même se tenir, hein, à genoux ou assis, dos à une locomotive qui arrive, vous imaginez, hein, c'est des monstres à vapeur. Quelqu'un capable d'imaginer ça, on peut aussi penser qu'il est capable d'imaginer un pseudo-enlèvement. On sent bien que de toute façon, que ce soit un crime, que ce soit suicide, il y a des invraisemblances. Il y a un mystère, il y a une épaisseur de mystère, il y a un tissu d'invraisemblance qui aujourd'hui encore me fascine. C'était « Mais qui a tué le conseiller Prince ?» Un documentaire de Romain Weber et Yvon Croisier, avec Bruno Fulini, Jean-François Mignac, Jean-Marc Berlière, Pierre Cornu-Gentille et avec la voix de Gilles Lacombe. Une histoire particulière, attachée de production Pascaline Bonnet, coordination Christine Bernard.